l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Dévaler à la végétation luxuriante au milieu d'îles volcaniques, avec des chevaux sauvages qui galopent sur les falaises, des arbres, des fruits bigarrés, des parfums de frangipani, d'huile de coco, des plages de sable noir, mais aussi une humidité, une chaleur constante, des poissons, des mammifères marins à profusion. Voilà le paysage des îles Marquises en Océanie. Nous sommes dans la Polynésie française, un des archipels les plus isolés du monde. Au 19e siècle, les écrivains Stevenson et Melville, c'est l'auteur de Moby Dick, ont été fascinés par ces îles. Eh bien, c'est également aux Marquises que Paul Gauguin est venu vivre de septembre 1901 à mai 1903. Le 16 septembre de la deuxième année, de la première même année du XXe siècle, Paul Gauguin, qui est âgé de 53 ans, arrive aux Marquises à bord d'un voilier qui s'appelle la Croix du Sud. Le peintre est parti une semaine plus tôt de Papeete à Tahiti. Monsieur Papeete, c'est à 1500 km de là, à peu près. Les îles Marquises, une douzaine dont six seulement sont habitées, nous dit Laure Dominique Agniel dans son Gauguin aux Marquises, ces îles sont nées de l'océan. Volcan jaillit des profondeurs du magma. Ici, pas de lagon, pas de récif protecteur, la montagne, massive, brute, sombre. Sous ces latitudes, le Pacifique règne en maître, explose en gerbes d'écume sur les rochers et les plages de sable noir. L'île tremble sous ses coups de boutoir. Les Marquises ne sont pas des îles exotiques où l'on paraisse à l'ombre des cocotiers. Ici, l'océan sans entrave cogne, crie, casse et s'enfonce profondément dans les baies creusées par la sève dévorante de la lave. Gauguin a trouvé le paysage dont il rêvait. Il arrive plus précisément dans l'île de Ivaoa. La population locale est venue au devant de l'équipage du voilier, hein, sur la plage de sable noir. Des jeunes filles chantent pour accueillir cette goélette. Elles glissent une couronne de fleurs parfumées autour du cou de ceux qui débarquent. Les Marquisiens sont assez étonnés de voir cet homme blanc, Gauguin. Il est seul, il fait décharger des malles remplies de toiles, des instruments de musique, un harmonium, une harpe, une mandoline. Il a aussi des planches de bois avec lesquelles il fera construire sa future maison. Paul Gauguin n'en est pas à son premier exil. On peut vraiment parler à son propos de baroudeur. C'est un homme né sous le signe du voyage. Dans le livre « Avant et après », il écrit peu de temps avant sa mort « Si je vous dis que par les femmes je descends d'un Borgia d'Aragon, vice-roi du Pérou, vous direz que ce n'est pas vrai et que je suis prétentieux. » Et pourtant, sa grand-mère maternelle, Flora Tristan, la célèbre révolutionnaire, était la fille d'un colonel espagnol qui descendait d'une famille de la noblesse aragonaise, établie effectivement depuis longtemps au Pérou. Gauguin a passé une partie de son enfance au Pérou. À 17 ans, il est devenu matelot. Il a navigué sur toutes les mers du monde pendant 6 ans. Il s'est aussi rendu au Panama, en Martinique. En 1891, il est parti pour Tahiti. Il faut dire qu'il était complètement ruiné à cette époque. Il est resté 3 ans à Tahiti avant de revenir en France et de repartir en 95. Lorsqu'il arrive aux Marquises en septembre 1901, ça fait donc 6 ans que Gauguin n'a pas revu la France. Il est très malade à l'époque. Il a une fracture à la jambe après une violente bagarre quelques années plus tôt. Il se déplace, ça c'est jamais bien cicatrisé, il se déplace avec une canne, la jambe couverte d'eczéma. Et pour calmer sa douleur, il est obligé de prendre de la morphine et pour ne rien arranger, il est sujet à des problèmes cardiaques. Il faut vous dire que ce qu'il boit et ce qu'il fume est assez impressionnant. L'artiste est un homme seul, il n'a plus de contact avec sa famille, avec sa compagne, ses enfants, il a peu d'amis. Il aurait aimé revenir en France seulement, il est ruiné, il sait que rien ne l'attend en métropole. Ses œuvres à l'époque laissent le public à peu près indifférent. Et dire que moins de 20 ans plus tôt, il travaillait à la bourse. Il était un père de famille comblé qui pouvait s'acheter des tableaux impressionnistes. Eh bien désormais, il est si pauvre qu'à Tahiti, il était admis à l'hôpital dans la salle réservée aux indigents. Vous imaginez ça ? Donc voilà un homme malade, seul, perdu, désabusé, qui a même tenté de se suicider à l'arsenic avant de partir justement pour les Marquises. Gauguin retrouve néanmoins le moral dans ce coin de paradis tellement extraordinaire. Il écrit à Monfred, le peintre Monfred, son ami, « Avec des éléments tout à fait nouveaux et sauvages, je vais faire de belles choses. Mes toiles de Bretagne sont devenues de l'eau de rose à cause de Tahiti. Tahiti deviendra de l'eau de Cologne à cause des Marquises. » Oui, on peut dire que l'âpreté même de ces îles va emporter Gauguin. Et pourtant, les Marquises, qui sont françaises depuis 1842 seulement, n'ont pas très bonne réputation en France et dans les milieux coloniaux. Après tout, c'est peut-être cela qui les rend si chers à Gauguin. De la bande originale du film Gauguin, le film d'Edouard Deluc sorti cette année avec, dans le rôle de Paul Gauguin, Vincent Cassel, qui raconte l'exil du peintre en Polynésie. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, vous nous emmenez sur les traces du peintre Paul Gauguin alors qu'il arrive aux îles Marquises, on est en plein océan Pacifique. Il a 53 ans, il va pas très bien, on vient de le voir, santé, morale. Et il s'apprête à être porté par une toute nouvelle inspiration. Ah oui, ça a été pour lui une révélation cette histoire, une de plus si je puis dire. Alors juste avant qu'on découvre ses œuvres des îles Marquises, est-ce qu'on peut savoir, pour se rendre compte du contexte, comment vivaient les habitants de ces îles à l'époque ? Ah, ce sont des gens totalement perturbés par le phénomène colonial. N'oubliez pas que la France a pris possession des Marquises depuis maintenant quelques décennies à l'époque, 5-6 décennies, et ça veut dire que les modes de vie sur place vont changer profondément, et tout ça dans un laps de temps très court. C'est toute une civilisation finalement qui est en danger. Laure Dominique Agnel écrit « Les Marquisiens se meurent, décimés par les épidémies, par l'alcool, par l'opium introduit par les coulisses chinois qui travaillaient dans les plantations de café. Mais ce qui tue les insulaires plus que tout, c'est la destruction de leur culture, leur lieu de culte profané, leurs dieux bafoués, leur danse, leur chant, leur langue interdits par des missionnaires pétris de bonnes intentions. N'oublions jamais les bonnes intentions, mais ça n'enlève rien à la catastrophe, bien entendu. Et vous imaginez la réaction de Gauguin face à ce phénomène, face à ce qu'il vit, lui, comme une destruction culturelle. Quelques heures après son arrivée aux Marquises, il est dans le village d'Atuona. On est à 300 mètres d'une plage. Il n'y a pas grand-chose, imaginez quelques habitations. Une gendarmerie française, bien entendu, mais aussi des lieux de culte et d'enseignement. Un temple de la mission protestante, une église et deux congrégations, une école de filles, une école de garçons. Alors Gauguin cherche un endroit pour s'installer, il négocie avec Monseigneur Martin, qui est un évêque dont la mission possède la plupart des terrains intéressants, et Monseigneur Martin va lui vendre un terrain d'un demi-hectare pour 700 francs. C'est là que le peintre va faire construire cette fameuse petite maison de bois et de feuillage, maison sur pilotis que connaissent bien tous les amoureux de l'art. Il ne va pas la construire seul, Gauguin, il faut l'imaginer, aidé par les habitants du village. En échange, il leur donne ce qu'il peut, ce qu'il possède, du rhum, du thé, des gâteaux. Serge Georges, qui est un des biographes de Gauguin, nous dit « Au rez-de-chaussée, la cuisine, la salle à manger et un coin réservé à la sculpture et à la menuiserie. À l'étage, l'atelier, évidemment, et la chambre à coucher. Le toit est en feuilles de cocotier, les murs en treillis de bambou. De la fenêtre de son atelier, Gauguin peut retirer directement du puits à l'aide d'une sorte de canne à pêche, une bouteille d'absinthe et une gargoulette. » Gargoulette, c'est une sorte de petit récipient, si vous voulez, lorsqu'il a soif. Il décore de sculptures le jardin où se trouve son hamac pour la sieste à l'ombre bien entendu, et il orne l'intérieur de panneaux de bois sculptés et polychromés sur lesquels il évoque tous ses fantasmes érotiques féminins. Inutile de vous dire que ces panneaux-là, ils vont bientôt valoir très cher. Gauguin va nommer ce lieu la maison du jouir. Elle est ouverte sur la nature, sur une végétation luxuriante, arbres à pins, cocotiers, bananiers, et puis un flamboyant aux fleurs roses qui, pour le peintre, pour l'amoureux, des couleurs franches et vives, doit être un ravissement de chaque instant. Gauguin est donc installé maintenant dans cette nouvelle demeure un peu particulière. Il travaille beaucoup, il dessine, il sculpte, il peint des paysages, il peint des nus, témoignage de la vie des marquisiens. Son travail est très différent de celui qu'on avait pu constater dans les années tahitiennes. Les sujets sont un peu moins allégoriques et symboliques sans doute. Les tableaux sont, disons, le plus simple, plus direct, nettement plus épuré, et lorsqu'on visite l'exposition actuellement proposée au Grand Palais, on en a une démonstration qui est assez spectaculaire. Les couleurs vives des œuvres antérieures ont laissé place à des couleurs qui tireraient quasiment vers le pastel maintenant. Des pelouses rose fuchsia, mordoré, des sables rose saumon, voire rose violacé. Les titres en langue maori ont disparu. On a l'impression qu'il y a moins de volonté, il y a moins de culture dans tout ça et plus de sens et de sensation. Les œuvres n'en sont pas moins toujours aussi mélancoliques, peut-être davantage encore, surtout dans les attitudes, dans les yeux des personnages. À la demande d'Ambroise Vollard, vous savez, le célèbre marchand Ambroise Vollard, qui lui verse 300 francs tous les mois en échange de sa production, Gauguin va réaliser aussi des natures mortes qui représentent des fruits, des mangues, des fleurs. Ça se vend mieux, ça, évidemment, à Paris. Malgré sa solitude, Gauguin n'est pas pour autant coupé du monde. Il écrit beaucoup, il rédige aussi un manuscrit, l'esprit moderne et le catholicisme, c'est très important pour lui. Et puis, il livre ses réflexions sur l'art, racontard de Rapin. Un Rapin, à l'époque, c'est un peintre à la petite semaine, vous savez. Quand il ne peint pas, quand il n'écrit pas, Gauguin réunit ses amis pour boire des verres, notamment de l'absinthe, du rhum. Il y a parmi les habitués des colons qui sont là bientôt, qui font partie du petit groupe. Il a aussi pour habitude de se promener, notamment le soir, où il se rend au sommet d'une falaise pour contempler le paysage. Et il écrit « Nous avons épuisé ce que la parole peut dire et nous demeurons en silence. Je regarde les fleurs immobiles comme nous, j'écoute les grands oiseaux suspendus dans l'espace et je comprends la grande vérité. » Ça fait plaisir à lire parce qu'on se dit qu'il a eu son accomplissement total, Gauguin, dans ses années marquisiennes. Et puis, comme à Tahiti, il fréquente des jeunes filles, des mineurs. L'une devient sa maîtresse, elle n'a que 14 ans. Par ailleurs, plus les mois passent, plus Gauguin passe son temps à critiquer les colons et les missionnaires qu'il accuse de corruption, de vouloir détruire les traditions marquisiennes. Il faisait la même chose à Tahiti, déjà. Ses cibles favorites étaient à l'époque la société bourgeoise, les profiteurs, les escrocs. Il a été journaliste, rédacteur en chef d'un journal satirique, il ne faudrait pas l'oublier. Mais être le seul à défendre les indigènes contre les blancs dans une période d'expansion coloniale, c'est risqué, évidemment. D'autant plus que Gauguin y dépense le peu d'énergie que la maladie lui laisse encore. Au début de l'année 1903, alors que ça fait donc 16 mois maintenant qu'il est aux Marquises, son état de santé s'aggrave. Je vous ai parlé de cet eczéma qui avait envahi sa jambe et même au-delà et qui devient de plus en plus douloureux. Il prend de plus en plus de morphine. Sa vue a beaucoup baissé. C'est toujours le drame des peintres. Plus que ses problèmes de santé, ça va être, j'allais dire les circonstances, c'est le cyclone, violent cyclone de janvier 1903 qui va le marquer et le dévaster autant qu'il a dévasté l'archipel. « À ma fenêtre, écrit Gauguin, tout s'obscurcit, les danses sont finies, les douces mélodies se sont éteintes. » Mais ce n'est pas le silence. En crescendo, le vent zigzague les branches, la grande danse commence. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Paul Gauguin. Alors, on vient de le voir, il a vécu de très belles années aux îles Marquises, mais là, pour lui, le soleil ne brille plus. Non, il ne peint d'ailleurs presque plus, si ce n'est un autoportrait aux lunettes. Il se représente les cheveux courts et gris, et le visage étrangement vide de façon inquiétante, si je puis dire. À cette période, Gauguin va songer à se faire rapatrier et c'est son ami Monfred qui l'en dissuade. « Vous ne devez pas revenir en France, lui écrit-il. Vous jouissez de l'immunité des grands morts. Vous êtes passé dans l'histoire de l'art. Entre-temps, le public s'éduque. On fait inconsciemment ou volontairement marcher votre réputation. Vollard travaille à cela peu à peu. Il flaire déjà peut-être votre célébrité incontestée et universelle. Eh bien, laissez ce travail se produire en entier. Il n'en est qu'à son début. Un an, deux ans peut-être seront nécessaires encore pour qu'il porte quelques fruits. Attendez patiemment. » L'artiste sur place continue à se révolter contre l'administration coloniale, contre les missionnaires. En peu de temps, on peut dire qu'il s'est mis avec, à dos tout le monde. L'évêque, le gendarme local, l'administrateur, le gouverneur, les inspecteurs des colonies. Il enchaîne les procès. Il se fait littéralement l'avocat des indigènes. Il refuse de payer ses impôts. Alors du coup, on va saisir des objets à lui, deux statuettes, un fusil. Et le coup de grâce intervient le 31 mars de cette année 1903. Gauguin est condamné à une peine très lourde, 3 mois de prison, 500 francs d'amende pour diffamation contre la gendarmerie. Il n'a pas l'argent, il est désespéré, son eczéma se met à redoubler, les douleurs deviennent insoutenables et dans sa dernière lettre à son ami Monfred, il écrit « Toute mon ancienne énergie s'en va chaque jour, alors que ses yeux ne voient presque plus, raconte Lord Dominique Agnel. » Il a encore la force de terminer un tableau qui est une célébration de la luxuriance et de la lumière des marquises. Une femme nue sur un cheval blanc, elle cambre les reins, redresse la poitrine dans une attitude de jouissance. Une autre porte un pareo blanc, les seins nus, elle caresse ses cheveux. Au premier plan, une troisième femme de dos entièrement habillée de blanc, évocation de l'évolution de la femme aux marquises, de la nudité jusqu'aux longues robes imposées par les missionnaires. C'est bien possible que ce soit le but de ce tableau. Le matin du 8 mai 1903, le soleil brille après une averse. Un ami indigène de Gauguin, son voisin qui s'appelle Tioca, court chercher le pasteur Vernier. « Tu sais, ça va pas chez le blanc, il est bien malade. » Le pasteur arrive auprès de l'artiste, il essaie de soulager Gauguin de son eczéma, il lui perce un abcès. Le peintre lui parle de ses amis d'autrefois, de son art. Il a l'air d'aller mieux et le pasteur repart et il est presque rassuré quand il s'en va. Il est 9h du matin et 2h plus tard, Tioca revient auprès de Gauguin, que les marquisiens par affection surnomment Coquet. Tioca est là, il appelle, pas de réponse, il monte les marches qui mènent au premier étage, à la chambre de l'artiste dans cette fameuse maison, la maison du jouir. Il trouve l'artiste étendu, une jambe hors du lit. Il vient de mourir. Tioca envoie chercher le pasteur. Il mord le crâne de Gauguin pour vérifier qu'il est bien mort. Il lui passe la couronne de fleurs odorantes. Il murmure tristement « Il n'y a plus d'homme. Nous sommes perdus. » Gauguin allait avoir 55 ans comme il le pressentait avant d'arriver aux marquises. On peut dire de l'archipel qu'il aura été sa dernière destination. Il est enterré le lendemain dans le cimetière catholique d'Atuona. Il n'y a pas grand monde à ses obsèques. Non, quand je dis pas grand monde, il y a 2 marquisiens qui sont venus. Bonjour Serge Lega. Bonjour Franck, bonjour Anissa. Bonjour Serge. Nous avons revécu les tristes et dernières années de Gauguin. Triste mais intense en même temps. Oui, et je pense que c'est toute la caractéristique de la vie de Gauguin. C'est une vie faite d'intensité, de fulgurance, d'une quête éternelle, d'un ailleurs où Gauguin essaye de trouver un bonheur qu'il cherche éternellement. Et au fond, aux îles Marquises, il trouve un univers, mais c'est encore un univers qui n'est pas une fin, c'est la fin matérielle seulement. Il trouve un climat chaotique qui convient, si je puis dire, à son caractère. Il trouve des couleurs et des décors tels qu'il n'aurait jamais osé en rêver. Il trouve ses jeunes, et même entre nous soit dit, très jeunes autochtones avec lesquels il vit la fameuse jouissance à laquelle il n'aura cessé d'aspirer. Et néanmoins, c'est un homme malade, aigri, en colère et en procès. Oui, c'est le paradoxe permanent de Gauguin. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'arriver à une plénitude artistique à chaque fois renouvelée. Et en même temps, il y a derrière des frustrations, les problématiques, tout ce qui relève de cet homme qui, toute sa vie, s'est ressenti lui-même comme un artiste maudit, s'est vécu comme un artiste maudit, sans l'être totalement. Et c'est aussi ce côté un petit peu difficile à cerner qu'est le personnage de Gauguin. Il a laissé un tableau qui est une sorte de testament, mais qui n'est pas dans l'expo là. Oui, qui c'est une immense toile qui est au musée des Beaux-Arts de Boston et qui est alors totalement prophétique par son titre. C'est d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous. C'est la quête existentielle et c'est vraiment son testament pictural puisqu'il termine cette toile et il tente de se suicider. Vous en avez parlé. Il venait d'apprendre la mort de sa fille Aline qui était au fond l'enfant dont il avait été le plus proche et le suicide devait conclure sa vie à ce moment-là, mais il prend trop d'arsenic et son corps rejette l'arsenic, donc il ne meurt pas. Mais ce tableau était le testament, mais il n'est pas dans l'exposition, trop fragile. Il n'est pas à Paris parce qu'il ne se déplace plus, il n'a pas été fait dans les règles de l'art. C'est un tableau de très grand format et qui est fait sur une toile très lâche, donc tableau en mauvais état de conservation et c'est un tableau qui ne quittera plus Boston. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Les marquises de Jacques Brel sur Europe 1. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Il est considéré comme l'un des peintres français majeurs du 19e siècle. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Paul Gauguin. Et quand on parle peinture sur Europe 1, forcément, on invite Serge Lega. Serge est conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. D'ailleurs, en parlant de Paul Gauguin, il y a une exposition Gauguin l'alchimiste à voir au Grand Palais jusqu'au 22 janvier. Pourquoi Gauguin l'alchimiste ? Parce qu'on ne nous montre pas seulement des tableaux dans cette exposition. S'il faut vraiment le souligner, pour le public qui voudrait profiter là, des vacances de Noël pour aller la voir, cette expo, on y trouve toutes sortes d'objets, de livres, de poteries, de tout ce que Gauguin aura fait en plus des tableaux. Oui, c'est je pense l'intérêt majeur de l'exposition, c'est que l'on sort du cadre traditionnel d'une rétrospective, on a vraiment ce côté alchimiste, c'est-à-dire l'alchimiste c'est l'homme qui part d'une matière relativement ordinaire pour la sublimer. Voilà, on doit sublimer la matière. Bien, ce que fait Gauguin, il part du bois, il part de la terre, il part de toutes les matières qui sont les matières les plus simples et il essaye à chaque fois d'en faire jaillir quelque chose d'original. Et ce qui est, à mon avis, la grande révélation de l'exposition, c'est entre autres son talent de céramiste, qui a été l'échec le plus absolu de sa carrière, parce qu'alors là, vraiment, les céramiques, pas une seule ne s'est vendue de son vivant, mais c'est un domaine très expérimental. Il avait appris la céramique à Paris avec Ernest Chaplet, il travaillait le grès, et alors c'est absolument hallucinant. Les vitrines de céramique, on a des formes qui ressembleraient vaguement à des vases, mais qui en fait n'auraient aucune utilité. D'ailleurs, il appelait ça des céramiques sculptures, on est entre la céramique et la sculpture. C'est de l'art moderne, finalement. Oui. Ah, complètement, complètement, c'est vraiment exactement ça, c'est une sorte de transcendance là aussi, de ce qui serait une matière très ordinaire, le grès, pour en faire quelque chose d'étonnamment primitif au bon sens du terme. On pourrait presque parler d'objets totémiques qui pourraient faire penser à certains objets cultuels de civilisation primitive en fait. Mais je pense que l'un des axes de la compréhension de Gauguin, c'est justement ce que nous appelons maintenant le primitivisme. Et bien sûr il le trouvera à Tahiti, bien sûr il le trouve aux îles Marquises, mais ça commence dès la Bretagne. Oui, s'il a tant aimé la sûr. Bretagne, c'est parce qu'il trouve une culture qui est une culture qui a gardé des liens ancestraux avec un passé qui est toujours omniprésent. Si on étudie le mobilier breton, c'est un mobilier qui a très peu évolué avec le temps. Ce qui est très étonnant avec les céramiques notamment dont vous parlez, c'est que non seulement elles épousent des formes assez étranges qui n'appartiennent vraiment qu'à Gauguin, mais on les retrouve ensuite peintes dans certaines des natures mortes de l'autre, du peintre. C'est-à-dire qu'en fait, il fait l'objet en céramique et ensuite il peint l'objet, il l'immortalise sur la toile. Oui, il peut aussi le tailler sur des bois sculptés. Oui, c'est-à-dire aussi, qu'on oui. a, et ça dans l'exposition, puisqu'on a eu la chance de la voir ensemble, on voit très très bien ces passages d'une technique à l'autre, de la peinture au bois sculpté, du bois sculpté à la céramique, etc. La gravure aussi est très importante. Et on retrouve des figures qui sont des sortes de figures iconiques qui passent d'une technique à l'autre et qui sont des éléments récurrents dans la production de Gauguin. On a tendance à oublier les textes, les légendes, si je puis dire, des tableaux, des dessins. C'est un homme qui écrit beaucoup, Gauguin, et qui écrit aussi des textes de littérature. Qui écrit des textes sublimes. Alors, il y a deux textes majeurs, c'est Noah Noah et l'ancien culte maori. Alors là aussi, c'est tout à fait Gauguin. Noah Noah, alors Noah Noah traduit, ça voudrait dire l'odorant, c'est-à-dire c'est ce qu'exhale Tahiti. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce qu'il a ressenti, au sens le plus littéral du terme, par rapport à Tahiti. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des textes illustrés. On a tous les dessins, toutes les aquarelles qui sont là et qui illustrent admirablement les propos. Lui, son propos était quasiment scientifique. Il se vivait comme une sorte d'ethnographe, en fait, oui, non ? Oui, mais en même temps, là encore le paradoxe. Par exemple, quand il parle de l'ancien culte maori... Il l'invente. Il l'invente en grande partie. D'abord, vous l'avez très bien dit dans votre présentation, Franck, dans le récit, il est évident que le culte maori n'est plus du tout respecté quand il arrive à Tahiti. Donc, ce culte, c'est quelque chose qui est complètement obsolète. Alors, il voit des totems, il voit des figures, il essaye de comprendre ce qu'elles veulent dire, mais en même temps, il les interprète complètement. C'est une projection absolue. On est en pleine époque de l'efflorescence de la psychanalyse. Il aurait peut-être eu besoin d'une psychanalyse. Ah, absolument. Mais il se fait sa propre psychanalyse, si l'on peut dire, avec toujours cette volonté de défendre la population locale contre... Il y a une révolte chez lui contre la civilisation européenne et notamment contre les Français. Hein. Oui. Il est contre l'évêque, il est contre l'administrateur colonial, il est contre tout le monde, il fait des procès. Il n'admet pas que cette civilisation qui se croit ou se considère supérieure vienne bouleverser les habitudes des autochtones. Et il a tellement vu, ça c'est surtout lors de son premier séjour à Tahiti. Quand il arrive pour la première fois à Tahiti, il a été tellement déçu par ce qu'il a trouvé. Il s'attendait à trouver cette espèce d'Éden paradisiaque, de ce monde paradisiaque dont il rêvait, et il trouve un monde complètement modifié par les missions chrétiennes, un univers où plus personne ne respecte les traditions. En plus, soyons francs, Tahiti, il découvre aussi, excusez-moi du terme, un bordel à ciel ouvert. Oui, les Occidentaux sont venus, oui, puisqu'il en profitera beaucoup, mais il découvre la corruption absolument. Les Tahitiennes sont devenues de la chair que les Occidentaux viennent consommer. Et donc, il découvre une société qui a été totalement bafouée. Et ce qui va être évidemment chez lui progressif, c'est ce sentiment de révolte. Lors du premier séjour, en plus il a une mission officielle de l'État français, il est encore assez réservé. Mais alors, deuxième séjour à Tahiti aux îles Marquises, alors là, il se démarque et vous parliez de la maison du jouir. Ce qui est quand même la grande provocation, c'est que devant la maison du jouir, il met deux totems, le père Paillard, qui est en fait l'évêque Martin, et à côté, une jeune femme laissée à nu, qui est Thérèse, la bonne du curé. Mais donc c'est la provocation pour montrer qu'il s'oppose c'est aussi. C'est un révolutionnaire. Après absolument. Tout, il est le petit-fils de Flora oui, Tristan. Grand-mère qu'il n'a jamais connue, mais effectivement... C'est dans les gènes. Les gènes étaient là, absolument. Bon sang ne saurait mentir. Oui, il a, comment dire, il a lu Flora Tristan, il a... Il a une seule phrase sur sa grand-mère, quand il parle d'elle, il dit un bas-bleu socialiste. Donc oui. On ne peut pas dire que ce soit un éloge absolu et total. Je pense que les positions, entre autres très féministes, de Flora Tristan l'intéressaient pas du tout. Gauguin est quand même un homme très macho. Ah, ça oui. se voit aussi dans ses rapports avec les femmes qu'il consomme. Oserais-je dire que ça se voit aussi dans sa peinture. D'ailleurs, cette peinture, je trouve qu'on n'en parle pas tellement jusqu'ici. Si vous êtes d'accord, nous allons reparcourir l'œuvre de Gauguin, sa vie un peu et son œuvre beaucoup. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Paul Gauguin cet après-midi sur Europe 1. Nous avons parlé de ses céramiques, nous allons maintenant parler de ses peintures. Avec votre invité Franck, vous recevez Serge Le Gail, des conférenciers des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Ce qu'il faut dire, Serge, peut-être qu'il faut commencer par là, c'est que Gauguin, au départ, est un peintre, mais un peintre amateur. Ah, c'est oui, un peintre oui. Dilettante. Il est boursier, lui, au départ. Oui, mais c'est un peintre du dimanche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un jeune bourgeois. Il est installé à Paris, il travaille pour la bourse, il est chez un agent de change, il a une épouse qui est elle-même issue de la très bonne société danoise, elle est une bonne famille de la bourgeoisie danoise, ils ont très vite plusieurs enfants, ils ont une domestique à demeure, enfin c'est un milieu. L'originalité, c'est que monsieur fait de la peinture quand il le peut, entre autres le dimanche. Et la maison, enfin l'appartement, très parisien, très bourgeois, il le peint d'ailleurs. On a des témoignages au début de l'exposition, on a l'appartement de la rue Carcel, où on voit très très bien Madame au piano, Gauguin appuyé sur le dessus du piano écoutant sa femme, tout ça dans un décor extrêmement bourgeois. Et sa femme accepte qu'il passe de plus en plus de temps à la peinture? Alors sa femme, Mette Gade, c'est un personnage dont on a dit beaucoup de mal. Alors là, je voudrais un peu la réhabiliter. C'est vrai que c'est une femme qui, au départ, trouve que la passion de son mari pour la peinture est un passe-temps très agréable. Le jour où il annonce à sa famille « j'arrête de travailler pour qu'on vive de ma peinture », là, elle n'est pas du tout idiote. Elle comprend que ça veut dire qu'ils vivront plus du tout. Et c'est vrai qu'elle va repartir au Danemark avec les enfants. Gauguin est avec elle et Gauguin rentrera seul en France. Alors là, je dirais méchamment, pour un homme qui veut se consacrer à la peinture, maintenant c'est idéal. Il n'a plus de femme, il n'a plus d'enfants, il n'a plus de métier. Là, il peut se donner totalement à son art et ça sera les années de vache maigre. Mais j'allais dire, il va vivre de quoi pendant De peu de choses. C'est vrai que ce sont des années extrêmement difficiles et c'est aussi la raison pour laquelle il va quitter Paris, qui est déjà une ville chère. Il aura un petit passage à Rouen, où là, son épouse était encore avec lui, après rupture au Danemark, et puis il va à Pont-Aven. C'est aussi la raison, parce que Pont-Aven, c'est un petit village breton où la vie est moins chère. Nous parlions l'autre jour de Degas à ce micro. Il a une véritable admiration pour Degas. Ah, c'est une passion. On peut dire qu'en peinture, le mentor vraiment de Gauguin, c'est Pissarro. C'est Camille Pissarro qui lui donne les rudiments de la peinture. Mais très vite, l'admiration pour Degas prend le pas. Donc il y a Pissarro comme point de départ, Degas. Et on a beaucoup de tableaux de jeunesse qui sont inspirés directement par des peintures de Degas. Vous parlez, d'après vous, il y a une filiation de Degas à Gauguin? Ah oui, il y a une vraie filiation et même dans une chose, le goût de la sculpture. On sait que Gauguin a vu la fameuse petite danseuse de 14 ans de Degas exposée en 1881, la seule sculpture que Degas ait exposée de son vivant. Et ça a été un choc. Comme par hasard, c'est tout de suite à ce moment-là que Gauguin fait des cires représentant ses enfants. Nous disions l'autre jour à quel point Gauguin ne pouvait de près ou de loin pas être considéré comme un impressionniste. Est-ce que Gauguin, lui, a d'une façon ou d'une autre flirté avec l'impressionnisme? Ah oui, on peut vraiment dire que Gauguin, au départ, est un peintre qui est dans la mouvance impressionniste. Quand on voit les premiers tableaux... Il est post-impressionniste, on va dire, oui, c'est ça? Mais dans les premières toiles, on est vraiment directement sous l'influence de Pissarro. Il y a des moments où on sent ce côté très terrien, très ancré dans la terre que l'on a la peinture de Pissarro. On a les sujets de Degas qui reviennent. Et puis alors... Et ça, à mon avis, c'est une des choses les plus fascinantes, c'est que Gauguin est le peintre qui crée la rupture volontaire et absolue avec l'impressionnisme. Lui, c'est pas simplement une évolution, c'est une rupture. Ouais, voilà. Et là, c'est net et très clair. D'ailleurs, Gauguin déclare « l'art restera toujours une abstraction ». Et là, bien sûr, on n'est plus dans le travail en plein air, on n'est plus dans l'observation, on n'est plus dans le côté pittoresque des sujets impressionnistes. Pour les plus jeunes de nos auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la peinture, ce qu'il y a d'incroyable chez Gauguin, ce en quoi il a fait avancer l'histoire de l'art, là n'ayons pas peur des mots, c'est qu'il dit qu'après tout, ce qui compte c'est le résultat sur la toile, ça n'est pas forcément la ressemblance avec ce qu'on a sous les yeux. Si vous voyez un arbre rouge, eh ben peignez-le en rouge, dit-il. Voilà. C'est le refus de ce qu'on appelle en peinture le ton local. Voilà. Le ton local, c'est ce qu'on a appris, le ciel c'est bleu, l'herbe c'est vert, la terre c'est marron, etc. Eh bien Gauguin dit pas du tout, si vous voyez ce que vous venez de dire Franck, si vous voyez un élément en rouge, eh bien vous mettez du vermillon, si vous voyez du bleu, vous mettez de l'outre-mer, vous poussez la leçon des couleurs très loin. Comme par hasard, les fauves s'en souviendront très nettement. Oui. Il y a un nom de ville que vous avez cité qui est fondamental, c'est Pont-Aven. C'est le moment de la grande rupture. C'est la grande rupture, c'est là où se crée cette rupture définitive avec l'impressionnisme. Alors Pont-Aven, c'est un lieu où déjà on a beaucoup d'artistes, rendez-vous de peintres. Vive la Bretagne. Voilà, les peintres sont présents, ce sont des peintres un peu plus secondaires. Et puis arrive Gauguin, arrive Émile Bernard, puisqu'ils sont tous les deux à Pont-Aven. Tavenn. Et c'est vraiment ces deux artistes qui ensemble créent cette rupture. Alors on appellera ça le cloisonnisme, on appellera ça le synthétisme. Cloisonnisme parce que ça fait penser au cloisonné de l'art de la céramique ou de celui du verre. Absolument, d'ailleurs. Ça fait penser à la technique du vitrail. Le phénomène d'avoir des formes enfermées dans un réseau noir très présent, ça fait penser à la technique du cloisonné extrême oriental, donc cloisonnisme. Puis alors, plus intéressant pour moi, c'est ce mot de synthèse. Alors la synthèse, c'est l'idée, c'est ce que vous disiez Franck, que l'on regarde un sujet en simplifiant les choses, on le laisse décanter en soi et on peint de mémoire ce qui est l'essentiel. On a fait la synthèse de sa vision, c'est-à-dire que ce qu'on a oublié, c'était forcément accessoire. Donc on arrive à une œuvre qui est une œuvre de l'essence même du sujet. C'est la rupture avec le travail en plein air où on peignait ce que l'on voyait directement tel qu'on le ressentait chez les impressionnistes. Rupture avec une forme de réalisme mimétique, mais en revanche pas du tout rupture avec l'esthétique, c'est le moins qu'on puisse dire. En feuilletant le très beau catalogue de cette exposition Gauguin, l'alchimiste, à chaque fois j'ai la même surprise presque, c'est que certaines des toiles sont purement entre guillemets décorative. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est quand même le cas, non? C'est un très beau compliment. Je pense que le mot décoratif n'est jamais utilisé à bon escient. Là, vous l'utilisez comme un compliment et je pense que c'est le cas. Entre autres, dans cette espèce de plénitude des jeux de couleurs que l'on retrouve, alors qu'on retrouve évidemment en Bretagne, qu'on retrouvera ô combien à Tahiti. Et tout ça, c'est par exemple, c'est extraordinaire dans les tableaux tahitiens, ces chiens rouges, ces chiens oranges qui apparaissent et qui sont une sorte de libération de la couleur, libération du dessin, c'est aussi l'une des choses que revendique bien évidemment Gauguin. Voilà d'ailleurs pourquoi on dit aussi que Gauguin, dans cette démarche-là, peut faire partir du symbolisme. Donc on voit qu'il décloisonne aussi les formules de l'histoire de l'art. Libération de l'être aussi, avec beaucoup de nus qui apparaissent. Hein. Alors là, c'est la passion absolue pour la femme, et vous l'avez dit, alors là, Tahiti, il pourra se laisser aller à sa passion. Plus facilement pour les qu'en Bretagne, évidemment. Très, très, très jeune femme, puisque toutes ses maîtresses ont entre 13 et 14 ans. Mana, Paura sont ses maîtresses que l'on connaît, qu'il a beaucoup peint d'ailleurs. Aujourd'hui, on parlerait de tourisme sexuel et pédophilie. Ah, mais complètement. Mais ça, Gauguin, qui a un peu critiqué ça chez les autres, évidemment, lui-même le fait beaucoup. Et il aime. Il est très fasciné par ce monde maori. Il est fasciné par les corps. Ces femmes tahitiennes ont un côté très sculptural. Ça le fascine. Et puis un côté un peu androgyne dans les formes, qui est aussi une chose qui le fascine beaucoup. Et il y a une sorte d'indolence, de mystère latent que l'on ressent dans les tableaux. Quand on voit ces femmes peintes, il y a une sensualité, mais il y a en même temps une distanciation, il y a un mystère, il y a une sorte même de tristesse latente dans certains tableaux. C'est une sexualité qui n'est pas débordante en même temps, elle est présente parce que les corps sont là. On pourrait presque parler plus d'une sensualité d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est une vraie forme de sensualité qui s'exprime et c'est vrai que le corps de la femme est pour lui un sujet absolument éternel. L'exposition du Grand Palais est une véritable révélation par la quantité de bois sculpté, par la quantité de céramiques qui sont proposées, par l'invraisemblable arsenal, si je puis dire, de documents également. On a beaucoup de dessins préparatoires, ou pas d'ailleurs. Beaucoup de textes également, puisqu'on a les manuscrits originaux. Enfin, tout ça est présent dans l'exposition, c'est d'une richesse folle. En revanche, il y a quelques angles morts. Et alors notamment, il y en a un qui passe complètement à la trappe, c'est Van Gogh. Oui, absolument. La période arlésienne, qui a duré très peu de temps. Hein. C'est vrai que ça a duré d'octobre 88 à décembre 88. Alors c'est vrai que c'est pourtant une période essentielle, puisque c'est le moment où Gauguin quitte Pont-Aven pour Arles. Ça expliquera d'ailleurs aussi l'une des raisons de ce conflit permanent pendant 2 mois. D'abord, vous en avez parlé, il y a l'alcool, puisque aussi bien Van Gogh que Gauguin sont plus qu'alcoolisés. Et puis, il y a aussi 2 conceptions différentes. Quand Van Gogh appelle Gauguin auprès de lui, c'est pour créer ce qu'il appelle l'atelier du midi. Il veut faire un atelier, puisque pour Van Gogh, un peintre ne doit jamais travailler seul. Et Gauguin arrive. Le problème, c'est que c'est plus le Gauguin que Van Gogh a connu à Paris, qui était le Gauguin encore impressionniste, c'est le Gauguin du synthétisme. Et donc, quand Van Gogh dit à Gauguin « Viens avec moi, prends tes pinceaux, on va travailler sur le motif », Gauguin lui répond « Oh, tu sais, moi, la nature, je m'en méfie ». Et ça, pour Van Gogh, c'est une incompréhension. Alors, comme ce sont 2 génies, ils vont évidemment s'influencer l'un l'autre au niveau de leur peinture, mais ça va être très violent. Et c'est vrai que dans l'exposition, c'est pas la partie de la vie de Gauguin qui est la plus mise en valeur. Alors, j'ai sous les yeux des reproductions des objets totémiques dont vous nous parliez, qui se trouvaient au seuil de la maison du jouir, c'est-à-dire la Thérèse et le Père Paillard. Lorsqu'on voit ces objets, on a vraiment l'impression d'être en présence. on pourrait très bien les imaginer au musée du Quai Branly, hein, on est en présence d'objets d'art premier. Mais... Et c'est une réinterprétation aimable et douce, si je puis dire. Hein. On n'utilise pas l'art premier pour déstructurer, comme le fera exactement Picasso. Ah, c'est complètement différent. On revit dans l'art premier. Non, non, et il y a pas simplement une fascination formelle. C'est ça, voilà. Quand voilà. Picasso regarde l'art africain, ce qu'on appelait l'art nègre, c'était pour lui une fascination de la forme. Gauguin, lui, même s'il surinterprète, essaye quand même de s'introduire dans cette culture et de la comprendre. Donc il y a un côté forcément bienveillant de la part de Gauguin par rapport à cette culture primitive. Et d'ailleurs lui-même dira, en parlant de lui, ce malgré moi de sauvage. Et je trouve que c'est une formule qui synthétise totalement la personnalité de Gauguin. Le conseil que lui donnait Manfred de rester en Océanie le temps que sa réputation croisse à Paris, c'était un bon conseil. Il ne savait pas dans quel état il était lui à l'époque. Absolument. Et on aurait pu imaginer que si Gauguin avait vécu ne serait-ce que 10 ans de plus, il aurait pu profiter de la richesse. Ah, il est certain, puisque contrairement à d'autres peintres comme Van Gogh dont on parlait, qui n'a connu aucun succès de son vivant, Gauguin n'a pas été totalement rejeté. De son vivant, il y a quelques œuvres qui sont dans des musées et il a quand même des acheteurs. Pensez que pour Gauguin, une chose extraordinaire, quand il expose ses premières toiles tahitiennes à Paris, parmi les acheteurs, il y a un certain Monsieur Degas. Quand on sait l'admiration que Gauguin avait pour Degas, être acheté par Degas, c'est quand même une vraie reconnaissance, c'est un bâton de maréchal. Exactement, en soi, c'était véritablement une consécration. C'est une vraie consécration. Le catalogue de l'exposition Gauguin l'alchimiste est particulièrement beau. Il a été conçu comme un objet à la Gauguin, si j'ose dire, et c'est un bel hommage. Vous pouvez aussi, évidemment, pour vos archives, si je puis dire, et puis pour le plaisir de l'œil aussi, acheter le Figaro hors série Gauguin l'alchimiste aux Galeries Nationales du Grand Palais. C'est une sorte de guide très illustré de la très belle exposition fait. Proposée. Et puis, je voulais citer Chez Fayard de David Asio, un Gauguin qui insiste justement sur un certain nombre des aspects que vous avez mis vous-même en valeur, Serge. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Dans un instant, nous partons pour les îles Marquises. Vous allez voir que Lorena Martin a des lieux étonnants à nous faire découvrir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Paul Gauguin. Il est temps maintenant de suivre Paul Gauguin au soleil, direction les îles Marquises, Franck. Alors ça, il faut que vous soyez prête quand même, Anissa, à faire un certain nombre d'heures de vol. Hein. Oui. Parce j'imagine. On ne va pas comme ça aux îles Marquises. Ouais. Il faut, on va dire, 24 bonnes heures. Ah oui, en effet. Oui, oui. Paul Gauguin est venu donc chercher la paix intérieure, la régénération. Il ne les a pas trouvées, vous l'aurez compris, à Ivaoa en 1901. Alors aujourd'hui, l'île est surnommée le Jardin des Marquises en raison de cette terre toujours aussi fertile, toujours aussi luxuriante. Et à perte de vue, il faut imaginer cette nature sauvage, verte, avec des tons tellement inattendus, le ciel qui s'empourpre ou qui devient d'un jaune extraordinaire. Il faut imaginer les routes hein, qui sont vraiment très rares. Il y a quelques maisons. Le relief de l'île est composé de pics et de vallées parsemées de sites archéologiques où l'on trouve les plus grands tikis de Polynésie. Ivaoa est bordée de plages de sable noir avec ces espèces de falaises dont je vous parlais tout à l'heure. Des falaises qui plongent directement sur un Pacifique dont les couleurs, encore une fois, ne sont pas les couleurs habituelles. C'est l'endroit qu'il fallait pour Gauguin. Il avait trouvé son lieu d'élection, là, Serge Legas, en fait. Tout à fait. Alors, on peut aller se recueillir sur la tombe du peintre à Ivaoa. On peut aussi visiter l'espace culturel Paul Gauguin à Atuona, dont je vous parlais, donc à Iva. C'est un lieu qui, vous savez, c'est un endroit, on est quand même dans des lieux où il n'y a pas tellement de choses à visiter. Donc quand vous avez un musée Gauguin, vous vous précipitez dessus, évidemment. Vous pouvez aussi visiter la reconstitution de cette maison du Jouir, dont les éléments authentiques se trouvent en ce moment à l'exposition du Grand Palais. Reconstitution de cette maison du Jouir dans laquelle Gauguin aura passé les derniers mois de sa vie, avec là encore un petit musée consacré à Paul Gauguin, et qui se trouve tout près de la maison. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. vous nous emmenez, vous, dans un lodge. Alors, je disais qu'il n'y avait pas grand-chose, mais alors, ça peut être aussi assez spectaculaire, Ivawa. Hein. Les hôtels sont assez sympas, quand même, de ce côté-là. Vous connaissez bien, vous êtes allé en voyage de noces, là-bas. Oui, exactement, sur l'archipel de la Société. Donc, ah, à quelques heures, quand même, des Marquises, mais bon, tout aussi splendide. Et l'hôtel, en fait, Anaki Perle Lodge à Ivaoa, est donc situé dans cette île où vivait Gauguin. On est à 20 minutes en vélo du village principal de l'île dont vous avez parlé, à Tuona, et c'est une vingtaine de bungalows perchés sur une colline qui offre une vue vraiment spectaculaire sur toute la vallée de Tuona, son port, le mont Temetu aussi, qui est le point culminant de l'île d'Ivaoa, le rocher de Anaki et la baie de Taawa, qui s'appelle la baie des traîtres. Et on est vraiment là au creux d'une sublime végétation, comme vous le disiez, très verte, très tropicale. Vous nous avez mis des photos qui font rêver. Mais non seulement elles font rêver, mais moi je trouve, je demande l'avis expert de Serge Le Gamme, je trouve qu'on dirait des tableaux de Gauguin. C'est vrai, ça donne très envie. Et finalement, il n'a pas tout inventé quand même. Hein. C'est-à-dire que la franchise de ces coloris et le caractère parfois inattendu des lumières, ils sont réels dans cette partie de l'Océanie. Complètement. Et donc vous avez là dans cet hôtel des bungalows de luxe avec vue panoramique, ou alors des suites familiales avec vue sur l'océan, ou alors d'autres avec vue à côté montagne. Et chaque bungalow a été individuellement aménagé par des artistes et sculpteurs de la région dans le style vraiment polynésien, marquisien. Voilà, oui. C'est un mélange de pewe, de tapa et de bois sculpté. Alors, les pewe, ce sont des nattes en fibres végétales tressées. La plupart du temps, on les trouve en pandanus ou fara en polynésien. C'est cette plante tropicale qui se situe entre le palmier et le yucca. Et on l'utilise beaucoup pour la vannerie et construire les toitures traditionnelles des maisons. Anissa dit ah oui, parce que moi je suis paumée. Hein, ces grandes feuilles qu'on tresse. Oui, très très beau. Et donc les tapa aussi, qui sont ces dessins traditionnels ou ces motifs géographiques ancestraux sur de l'écorce d'arbre. Alors vous avez quand même dans cet endroit, dans ce petit paradis, de quoi vous restaurer. Il y a un petit restaurant effectivement avec une vue aussi panoramique. Ils servent beaucoup de produits locaux. Des poissons, notamment le mahi-mahi, qui est cette dorade coryphène, poisson emblématique des eaux polynésiennes, du thon. Et on mange souvent le poisson servi en tartare ou cuit. Et on le déguste au lait de coco et vanille. C'est vraiment un pur délice. Avec une piscine à débordement. Une piscine à débordement. Et il y est, français. Vraiment, on est dans le pur plaisir. Et sachez qu'au Marquis, sur l'île de Nuku Hiva, il existe un autre hôtel Pearl Lodge, tout aussi charmant, qui s'appelle Pearl Keka Lodge. Pearl Lodge. Ça, c'est le nom de la chaîne, en fait, Voilà, cette chaîne-là pour ces deux hôtels. Et l'hôtel s'appelle Keka Anui Pearl Lodge, donc sur l'île Nuku Hiva. Et il est situé dans un magnifique jardin tropical qui surplombe encore une fois la baie et le village de Taiohae, avec une plage de sable noir en contrebas, et c'est la plus grande des îles de l'archipel des Marquises. La côte nord, en fait, c'est l'une des plus belles de Polynésie. On peut y admirer notamment ses arêtes basaltiques assez incroyables. Et l'île est connue notamment pour ses cascades de plus de 300 mètres de haut, la cascade de Vaipo, dans la vallée de Akawi. Et c'est sur cette île que se trouve le village de Taipivai, où l'écrivain Melville, dont vous parliez au début de l'émission, auteur de Moby Dick, a séjourné. Et il était alors matelot à bord d'un navire baleinier. Il s'est réfugié dans cette vallée et il a réussi à vaincre la tribu des Taipivai, qui a fini par l'adopter. Et c'est après ce séjour de quelques semaines qu'il a écrit son roman Taipi. Je vous propose de mettre de côté cette chronique, chère Lorena, parce que quand nous aurons des stagiaires en radio, nous leur ferons lire ça. Le premier ou la première qui arrivera, comme vous l'avez sans fait, bafouiller. Sans buter sur un mot au bout, pourra être considéré comme mûr pour l'antenne. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver en cette période avec où plaisir. Il fait un petit peu sombre sous nos tristes tropiques. Merci beaucoup Anissa. À demain Franck, à 14h, avec un autre paradis. Nous irons dans les Arvernes demain. C'est mon paradis. Chez les Arvernes, dans votre paradis Auvergnat, en fait, c'est si ça. Je comprends bien. Ce sera plus bouillant. Chacun le sien.